Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici première. Ce balado est présenté par le Salon du livre de Montréal. Parce que c'est un bonheur d'occasion à s'offrir, parce que vos belles-sœurs y seront, ou pour chasser la bête intégrale. Toutes les raisons sont bonnes de visiter le Salon du livre de Montréal du 20 au 25 novembre à la Place Bonaventure. Bonne écoute. Le balado commence dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'explorateur et coureur des bois, Pierre Esprit Radisson. Radisson, c'est un coureur de bois qui a laissé des écrits abondants. Et c'est un des seuls qui peut nous révéler un peu ce qui se passait dans les bois, dans les grands espaces d'Amérique. Donc, c'est surtout ce qui est intéressant, d'avoir un témoignage qui n'est pas celui d'un missionnaire, mais celui d'un laïc qui a un point de vue tout à fait différent sur la vie le partenariat commercial avec les Autochtones. L'historien Martin Fournier, à l'émission La vie comme une histoire en janvier 2001, Radisson fait partie avec quelques autres de ces explorateurs du Nouveau Monde qui vont partir à la découverte du continent à l'époque de la Nouvelle-France. Bien plus qu'un simple coureur des bois, Radisson est à la fois un habile commerçant, un fin négociateur avec les Amérindiens, entre autres, et un homme de lettres à sa manière. Hors des grands remous de l'histoire du Canada, surgit l'incroyable aventure d'un homme qui réussit à vaincre la brousse du Nord américain. Un homme qui misa sur son adresse pour déjouer l'Indien. Un homme qui, avec eux, parmi eux, contre eux, opposa sa ruse à leur ruse. Souffrant et se battant et risquant l'ultime effort de ceux qui jouent le tout pour le tout afin qu'un rêve prenne corps. C'est l'histoire d'un homme aux prises avec le destin. C'est un aventurier, c'est un découvreur. Coureur des bois, trafiquant avec le sauvage, il déchira le voile qui enveloppait le grand Nord-Ouest. Voici Radisson. L'incroyable mais réelle histoire d'un grand pionnier canadien. Un petit extrait de l'ouverture de cette populaire émission Radisson qui a été diffusée à notre télévision dans les années 50. Pour nous raconter l'histoire de Pierre Esprit Radisson, j'accueille l'historien Gilles Avard, qui est directeur de recherche au CNRS en France et qui vient de publier le livre « L'Amérique fantôme, les aventuriers francophones du Nouveau Monde ». Gilles Avard, bonjour. Bonjour. Alors, Pierre Esprit de Radisson, je le disais, il fait partie, ils sont quelques-uns, hein, ces explorateurs qui vont vraiment partir à la découverte du continent à l'époque de la Nouvelle-France. Dans ce lot-là, qu'est-ce qui fait sa particularité à notre ami Radisson? Alors, c'est vrai que la plupart des coureurs de bois et des explorateurs étaient analphabètes, hein, et donc il fait partie de la petite caste de ceux qui ont laissé des écrits. C'est le cas aussi de Nicolas Perrault, qui est bien connu au Québec, ou plus tard de Jean-Baptiste Truteau, qui était aussi un voyageur qui a laissé des traces écrites. Il y en a quelques-uns, mais Radisson, il a écrit notamment une autobiographie quand il s'est mis au service des Anglais à la fin des années 1660, et où il raconte ses différents voyages d'exploration. Et c'est un personnage d'autant plus intéressant que, si vous voulez, à travers ses écrits, on peut étudier les deux modalités d'insertion des Français parmi les autochtones à l'époque, parce qu'à la fois il a été capturé par les Iroquois, on pourra en reparler. Donc là, c'est sur le mode de la violence, si l'on veut, qu'il a été inséré parmi une communauté autochtone. Et plus tard, il est devenu donc coureur de bois. Et il s'est aussi immergé dans les sociétés autochtones, mais cette fois par la voie pacifique, en commerçant avec eux. Et il est resté très connu dans l'historiographie canadienne, mais aussi du Canada anglais, hein, ouais. Pas seulement Québec, parce que il s'est mis au service des Anglais, donc il a contribué à la fondation de la compagnie de la baie d'Hudson, et son texte est écrit en anglais, ce qui explique l'intérêt particulier qu'il a pu avoir auprès des Canadiens anglais. Ce qui est déjà rare qu'un personnage comme celui-là parle autant aux deux grandes culture, nation, disait-on, les deux solitudes, comme on disait à une certaine époque. Tout ça, c'est plutôt rare qu'un personnage rejoigne ces deux groupes en même temps. Puis vous le disiez, c'est un homme qui, au-delà de ses exploits, du territoire considérable qu'il va parcourir, qui a des qualités humaines exceptionnelles. Quand vous parlez de ce diplomate, au fond, cette négociation, cette façon dont il va réussir à entrer en contact avec les Amérindiens, ça, c'est assez particulier aussi. Oui, c'est vraiment un homme caméléon, hein, qui a une capacité à s'adapter à des contextes socioculturels extrêmement variés, que ce soit vivre dans une longue maison iroquoise, dans un wigwam chez les Ojibwés du lac supérieur ou dans les palais de Londres en Angleterre. Donc c'est vrai que c'est un homme qui s'adapte et qui le fait parce que c'est aussi un opportuniste. Hein. Il est capable de savoir parler à ses interlocuteurs. Il a appris différentes langues, hein, des langues amérindiennes. Il parle évidemment français puisque c'est un petit français à la base et puis il a appris l'anglais. Et tout ça donc pour devenir un entrepreneur le plus efficace possible et arriver à ses fins sur ce plan-là. Vous le disiez, c'est important dans le parcours de Radisson et dans la trace qu'il laisse dans l'histoire, cette double appartenance, si je puis dire. Il sert parfois les Français, il sert parfois les Anglais. Ce qui fait que chez nous, certains historiens, je pense à François-Xavier Garneau, je pense à Lionel Groulx, l'ont assez sévèrement critiqué. On parlait de Radisson comme d'un traître. On écoute justement un extrait de l'émission « Cours d'histoire du Canada » présenté à CKAC en 1950 et où Lionel Groulx parle de Radisson. Une troisième extension de la colonie paraissait moins justifiable que tout autre. L'avance vers la baie du Tson. Un faisceau d'intérêts et même quelques mirages attirent de ce côté. Du bassin hudsonien provient le castor de la plus riche qualité, en même temps que le bassin en est le plus plantureux réservoir. Or, voici que deux coureurs de bois fameux, Pierre Esprit Radisson et Médard des Groseilliers, sont en train de faire passer ce castor aux mains des Anglais. La manœuvre n'enlèvera pas seulement à la colonie un butin prodigieux. C'est tout un courant commercial, toute la fourrure de la traite de Tadoussac, celle des Trois-Rivières, celle du Haut-Outaouais, qui, par la conjonction des routes fluviales, menace de dériver vers la baie du Nord. Alors, on entend, Gilles Avard, dans cet extrait, le jugement sévère de l'abbé Groulx, de Lionel Groulx, par rapport à ce choix que va faire Radisson de servir les Anglais. C'est vrai qu'il va... Il y aura un va-et-vient constant. Il est parfois du côté de la France, il est parfois du côté de l'Angleterre, avec de Groseilliers, d'ailleurs. Comment expliquer ça, cette espèce d'ambivalence, ce va-et-vient entre la France et l'Angleterre? En fait, je pense qu'il faut recontextualiser un petit peu ces trajectoires en les replaçant donc à l'époque où vivait Radisson, au XVIIe siècle, hein, et où il y avait une certaine fluidité des appartenances dans l'espace atlantique, d'une part, et puis d'autre part, l'autre élément qu'il faut valoriser, c'est que Radisson était tout le temps à la recherche de patronage, hein, de patrons capables de financer ses expéditions, et donc s'il trouvait pas le bon patron côté français, il le trouvait côté anglais, hein, pourvu qu'il puisse avancer par rapport à ses propres ambitions. Donc c'est vrai qu'au début des années 1660, puisque le gouverneur français au Canada ne répond pas à ses attentes, hein, Radisson et Desgroseilliers, il va se tourner du côté des Anglais en se rendant à Boston et puis ensuite à Londres en 1665. Oui. Et là, il va essayer de démarcher auprès de plusieurs aristocrates, hein, pour leur raconter les aventures que Radisson et Desgroseilliers ont eues parmi les autochtones des Grands Lacs et faire en sorte qu'ils investissent pour justement aller faire du commerce par la baie d'Hudson sans passer par les routes terrestres que eux avaient empruntées depuis Montréal jusqu'au lac supérieur. Mais ça, c'est fondamental. Il faut en fait, je pense, quand on parle de Radisson et des Groseilliers, comprendre que ces gens-là ont un grand projet qui est un projet de commerce. Cette ressource, ces fourrures de la baie d'Hudson, c'est un peu un Eldorado pour eux. Ils veulent exploiter ce territoire-là, mais il n'y a pas chez eux aucune ambition politique, aucune forme de volonté colonialiste. Ils ne sont pas du tout là-dedans. Non, ils ne sont pas du tout là-dedans, comme ne le sont pas du tout les coureurs de bois de façon générale. Hein. Le but, c'est de collecter des pelleteries, des pots de castor en particulier, qui servent à la fabrication des chapeaux en Europe. Donc, le but, c'est de commercer avec les autochtones. Il ne s'agit pas de les conquérir ou de les civiliser. Ils ne sont absolument pas dans cette logique-là. Et la route route terrestre dont je parlais, remonter la vallée des Outaouais à cette époque était dangereuse, notamment à cause de la guerre avec les Iroquois. Et puis, elle était extrêmement longue. Donc, ça impliquait des coûts, des risques, comme Radisson le raconte dans son autobiographie. Donc, quand des Groseilliers et Radisson se rendent par-delà le lac supérieur et probablement jusque la baie d'Hudson en 1660, ils ont l'idée de se rendre, comme je le disais, directement par les mers nordiques pour commercer avec les Cris, hein, les autochtones de cette région. Ouais. Dites-nous un petit mot sur qui il est au départ, Radisson. Parlons un petit peu de ses origines et de comment il atterrit chez nous. Alors, Radisson, c'est un petit Parisien à la base. Hein. Son père est un marchand de linge dans le Marais parisien, hein, pour ceux qui connaissent Paris du côté de Arts et Métiers. Et on le sait parce qu'on peut retrouver l'inventaire après décès de son père, qui s'appelait aussi Pierre Esprit Radisson, et où son père est qualifié de bourgeois de Paris. Et dans cet inventaire après décès, d'ailleurs, c'est assez émouvant, on trouve l'indication d'un berceau de bois blanc garni d'une paillasse, où on peut imaginer que le petit Pierre Esprit a dormi dans son enfance. Et ses parents sont alphabétisés, hein. Sa mère s'appelle Madeleine Hénaud. Elle a une écriture déliée, donc ça permet de comprendre un petit peu ses origines sociales. Hein. Ce n'était pas un miséreux, hein, ouais. Ce n'était pas non plus quelqu'un de riche, mais il a probablement été dans une petite école à Paris. Hein, donc il est alphabétisé lui-même, comme le prouveront ses écrits ultérieurs. Et entre 1645 et 1650, ayant perdu ses parents, sa mère probablement également, avec ses trois sœurs, peut-être ensemble ou pas, on ne le sait pas, hein, il va migrer donc au Canada et s'installer à Trois-Rivières, où il se trouve en 1650. Ouais. Et très rapidement, après son arrivée à Trois-Rivières, il est capturé par les Iroquois. Ça va être important pour lui parce qu'il va passer quoi, 2 ou 3 ans chez les Iroquois? Alors, un petit peu moins, mais effectivement, alors qu'il chasse autour de Trois-Rivières avec deux compagnons, c'est ce qu'il raconte dans son premier voyage, il est capturé par les Iroquois qui menacent à l'époque la bourgade de Trois-Rivières. Donc, le fait d'aller chasser autour de Trois-Rivières à l'époque, c'est un petit peu risqué. Mais c'était aussi un coureur de risque, notre Radisson. Et ses deux compagnons se font tuer par les guerriers iroquois. Et lui est capturé et il est amené dans un village iroquois. Alors c'est très intéressant, la richesse des textes de Radisson, c'est aussi une richesse ethnographique. Hein. On voit à travers la façon dont il est capturé, puis adopté par les Iroquois, le fait que la guerre autochtone, c'est une machine sociale à enfanter, à créer des enfants. Alors on peut être tué, évidemment, mais c'est une prise en charge corporelle. Hein. Il raconte comment on lui met de la peinture rouge sur le visage, on lui graisse le corps, on lui offre de nouveaux vêtements, on lui apprend à canoter de façon efficace sur la rivière. On lui apprend aussi des rudiments de la langue des Mohawks, hein, ou les Agniers, comme on disait à l'époque. Donc il y a une sorte de façonnage mimétique du corps de Radisson pour lui faire perdre son identité première, qui est celle d'être un petit Français. Ouais. Là, il a une quinzaine d'années à ce moment-là, hein, Radisson, et pour lui faire donc adopter l'identité corporelle, mais plus généralement l'identité iroquoise, parce que donc il va être adopté par une mère iroquoise et fait une famille iroquoise. Il va avoir deux nouvelles sœurs. Et le petit orphelin finalement trouve une nouvelle famille. Et il y a toute une ambivalence qui commence à se créer sur son positionnement identitaire, ouais. Puisqu'il explique qu'il devient un petit peu un Iroquois. Mais ça, et ça va le servir pour tout le reste de sa vie, parce qu'au fond, il apprend plus la langue, il apprend la culture, les Iroquois l'adoptent vraiment, et ça va être utile pour lui. C'est là où il prend sa connaissance profonde de cette culture-là, dont il va se servir plus tard. Oui, tout à fait. Oui, ça va être un bagage de comportement plus tard, puisqu'il apprend la langue iroquoise. Il apprendra aussi d'autres langues algonquiennes. Il sait comment se comporter avec les autochtones de façon générale. On lui donne un nouveau nom. D'ailleurs, Orinia, en langue iroquoise, qui signifie pierre, qui est son propre nom en français. Donc, il y a probablement un lien. Donc, il s'immerge véritablement dans les sociétés autochtones à plusieurs reprises, hein, comme il le raconte. Et ce qui fait que quand il raconte plus tard aux Anglais ses aventures, elles sont lestées d'un grand capital d'expérience, ouais. Hein, qui crée un sentiment de confiance auprès de ceux qui vont investir pour lui. Et puis tout au cours de sa vie, donc ça commence cette immersion amérindienne chez les Iroquois, mais il, vous le disiez, il côtoiera d'autres nations durant ses nombreux voyages. En 1657, entre autres, il va avec les Jésuites se retrouver en mission chez les Onontagués. Parlons de Médard Chouard des Groseilliers. On a déjà évoqué un peu son nom. C'est à partir de 1659 que Radisson fait équipe avec lui. Comment ils se rencontrent et qu'est-ce que ça va donner cette équipe-là? Alors, il le rencontre parce qu'il est marié, ce Groseilliers, qui est d'origine picarde, qui est interprète. Donc, lui aussi, déjà, parle la langue des Hurons. Et c'était quelqu'un qui est vraiment un véritable entrepreneur et qui va aussi initier Radisson, qui est plus jeune que lui, à l'art du commerce parmi les autochtones. Donc, on a vraiment deux individus qui sont rompus aux mœurs des autochtones. Donc, tous les deux, en 1659, vont partir en voyage du côté du lac supérieur. Donc, c'est le début vraiment de l'aventure des coureurs de bois. C'est le moment où les Hurons ne jouent plus le rôle d'intermédiaire qu'ils pouvaient jouer auparavant. Et il y a une sorte d'appel d'air. Et donc, Radisson et des Groseilliers se rendent en 1659 jusqu'au lac supérieur où ils vont entrer en contact avec toutes sortes de populations autochtones, dont les Ojibwés, qui leur servent d'ailleurs de guides le long de la rivière des Outaouais, et également les Sioux. Alors, c'est intéressant parce que c'est la première rencontre documentée entre des Français et des Sioux en 1660, ce que Radisson présente comme il est présenté comme la nation du bœuf, hein, la nation du bison, parce que ce sont des chasseurs de bison, pas à cheval à l'époque, mais ils cultivent aussi un petit peu de maïs. Mais donc il y a toutes sortes d'informations ethnographiques extrêmement riches. Le fait aussi que il montre aussi toute la dimension rituelle de l'accueil des coureurs de bois. Par exemple, des Groseilliers et Radisson, quand ils sont chez les Sioux, on leur graisse les pieds, on les peint en rouge, on les dénude, on leur met sur une peau de bison et une peau de castor blanc, hein, qui a une valeur rituelle particulière. Et puis les Sioux se mettent à pleurer sur la tête de Radisson et des Groseilliers, qui sont baignés de leurs larmes, parce qu'en fait, ils sont pris pour des esprits et que c'est une façon de s'adresser à une altérité d'ordre surnaturel et à susciter la pitié de ces esprits qui ont notamment des fusils qui sont assimilés par les Sioux à des tonnerres. Ouais. Et c'est lors de ce premier voyage au lac supérieur que Radisson et des Groseilliers vont se faire parler par les Amérindiens de cet Eldorado, on y vient, qui va être très, très important dans le parcours de Radisson, la baie du son. Et c'est ça, au fond, ce voyage et cette découverte pour eux de cet Eldorado qui va mener en 1670 à Londres à la fondation de la Compagnie de la baie du son. On écoute à nouveau l'historien Martin Fournier qui répond cette fois aux questions de Jacques Lacourcière, parler de ça, du contexte de création de la fondation de la Compagnie de la baie du son et du rôle qu'auront des Groseilliers et Radisson dans cette fondation de la Compagnie de la baie du son. Extrait de l'émission J'ai souvenir encore en octobre 2001. Est-ce que Radisson et des Groseilliers sont vraiment à l'origine de la Hudson Bay Company? Oui, tout à fait, parce qu'en Angleterre, personne ne savait qu'il y avait un potentiel commercial à exploiter à la baie du Son. Alors, il y avait des marins anglais, trois marins anglais, dont entre autres M. Hudson, et donc qui avaient pénétré dans la baie du Son au début du 17e siècle. Et Radisson et des Groseilliers ont constaté qu'il y avait des connaissances géographiques ou maritimes en Angleterre pour se rendre jusqu'à la baie du Son. Mais aucun Anglais ne savait qu'il y avait un potentiel commercial à exploiter à la baie du Son. Mais il y avait donc très peu d'expertise en Angleterre pour savoir comment nouer des relations commerciales avec des Amérindiens et en tirer du profit. Alors donc ça, l'expertise en termes de commerce et où aller pour faire ce commerce-là, c'était Radisson et des Groseilliers qui avaient cette information-là et qui l'ont diffusée d'abord en Nouvelle-Angleterre, où ils ont trouvé des supporters. Ils l'ont diffusée en Angleterre, ils ont trouvé aussi des supporters. Ils l'ont diffusée aussi en France. Alors, donc, partout où ils ont été, ils ont fait la promotion de cette idée-là qui était leur grand projet. Alors, la baie du Son, Gilles Lavard, ce sera la grande aventure de Radisson et des Groseilliers. Parlez-nous de ce que ça représente, cette aventure-là de la baie du Son pour eux. Bah, c'est vrai que, comme ça, ça vient d'être dit, c'est l'expertise hein, de Radisson qui fait que, et de Desgrosiers qui fait qu'ils deviennent des sujets historiques. C'était des anonymes hein, auparavant, et en se mettant comme ça au service soit des Anglais, soit des Français, bah, on commence à parler d'eux dans les sources, hein, parce qu'on fait appel à leur expertise, et donc ils deviennent de plein sujets d'histoire. Et c'est vrai que dans un premier temps, Desgrosiers et Radisson donc, se mettent au service, enfin dans un premier temps, à partir de la fin des années 1660, au service des Anglais. Puis ils repasseront au service de la France en 1675. Pour s'attaquer carrément à cette compagnie de l'abbé Dusson dont ils ont suscité la création. Quelques années plus tard, donc, ils sont en compétition et ça joue du coude, passez-moi l'expression. Dans voilà. Le territoire d'Abbé d'Hudson. Voilà, exactement. Il devient chef de poste en 1682 à la baie d'Hudson pour une compagnie française. Puis, deux ans plus tard, à la mort de Colbert, donc le ministre de Louis XIV qui était son patron, il va à nouveau changer de camp et se mettre sous la bannière de l'Angleterre, donc redevenir un employé de la compagnie de la baie d'Hudson. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il écrit deux autres relations, en plus de son autobiographie, qu'il rédige en français. Ce qui peut indiquer d'ailleurs que peut-être que son autobiographie qu'on connaît surtout en anglais, il avait d'abord écrite en français et il est même naturalisé anglais en 1687 et il devient là jusqu'à la fin de sa vie un anglais. Il reçoit une pension jusqu'à la fin de sa vie de la compagnie de la baie d'Hudson et il meurt en Angleterre en 1710. Il se fait appeler Peter et non plus Pierre. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait, en fait? Est-ce qu'il a vraiment le choix? À un moment donné, il part en Angleterre, en 1687. Il s'y installe, vous le disiez. Qu'est-ce qui fait qu'il quitte la Nouvelle-France? Encore une fois, c'est l'opportunisme de Radisson. Mais Desgrosiers, lui, par contre, on n'a pas beaucoup d'informations à cet égard, mais il va... En 1684, il se réinstalle au Canada, il va y rester. Mais Radisson s'est inséré aussi dans la société anglaise. Hein. Il n'a pas pu accéder à la noblesse côté français et il essaye de devenir un gentleman hein, côté anglais. Il va faire trois mariages successifs en Angleterre. Donc il faut essayer aussi de se mettre dans sa tête. À un moment donné, il a décidé de véritablement s'insérer dans la société anglaise. Et puis l'âge aidant, hein, de ne plus être le casse-cou qu'il avait pu être étant plus jeune. Ouais. On boucle la boucle, vous disiez, on disait au tout début de l'émission qu'il a cette particularité de parler autant chez nous aux francophones qu'aux anglophones. Je suis curieux de vous entendre sur le regard que les deux historiographies, francophones et anglophones, portent sur Radisson. Est-ce qu'il y a des points de ressemblance et des points de discordance? Ce qui est intéressant, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, Radisson a été redécouvert côté anglophone à la fin du 19e siècle. Hein, d'abord par celui qui a édité, un Américain qui a édité ses écrits, donc qui était resté manuscrit hein, jusqu'en 1885. Et puis ensuite, du côté du Canada anglais, le fait qu'il ait fondé la compagnie de la baie d'Hudson, le fait qu'il ait écrit cette biographie en anglais, ça a suscité l'intérêt de biographes comme Grace Lee Knute, hein, début du 20e siècle, ouais. Et puis Germaine Warkentin, qui a réalisé une édition récente de ses écrits. Mais il y a un point d'accord aussi, par exemple, avec M. Fournier, que vous citiez, qui pense que tous les deux, que le texte a été écrit en anglais directement. Je propose une autre hypothèse dans mon livre en suggérant qu'il y a probablement eu une version française auparavant. Ouais. Mais c'est un caméléon et donc jusque dans l'historiographie aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ouvre les portes d'une province à l'autre et qui peut intéresser à la fois des Québécois et des Canadiens anglais. C'est un bonheur de vous recevoir, Gilles Lavard, historien, directeur de recherche au CNRS, auteur de ce livre récemment publié, L'Amérique fantôme, les aventuriers francophones du Nouveau Monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.